histoire particulière. Fiona, Marina, Tiffen, Enzo, Alia, Dylan, Jason, Johnny sont des enfants décédés sous les coups de leurs parents, beaux-parents, parfois même grands-parents, des enfants martyrs. Que faire lorsque les droits fondamentaux d'un enfant ne vous paraissent pas respectés et si vous êtes témoin de violences faites à un enfant ? Un seul numéro, le 119, disponible tous les jours et 24 heures sur 24, que l'on peut contacter depuis toute la France métropolitaine, mais aussi depuis les départements d'outre-mer. Le 119 est un numéro totalement gratuit et peut être passé d'un poste fixe ou d'un téléphone portable. Michel Pomarède et Yvon Croisier vous racontent aujourd'hui la vie, courte et douloureuse, d'une toute petite fille. août 1987, Suèvres, Loir-et-Cher. Nous étions en train de faucher en dessous les glissières sur le bord de l'autoroute, le bas-côté. Et à peu près une vingtaine de minutes après avoir commencé notre travail, j'ai aperçu 10 mètres plus loin que moi un paquet roulé, une couverture a priori de loin, il me semblait. Alors ça me semblait un peu suspect. Je me suis approché pour voir, je ne sais pas vraiment pourquoi en fait, je me suis approché. Et j'ai vu là un corps d'enfant, la tête, les cheveux, les pieds qui dépassaient de la couverture. Je me suis approché encore plus et j'ai vu le visage de l'enfant que je croyais être au début un jeune garçon ensanglanté, très abîmé. Inas Touloub, la petite martyre de l'autoroute A10. Michel Pomarède, Yvon Croisier. Il y avait des hématomes sur le front, les yeux pochés, les yeux beurre noir. La figure ensanglantée, saignée du nez, de la bouche, de partout. Des morsures, des brûlures sûrement. Pour moi, il était déposé là, hein, parce que la couverture était vraiment bien mise sur elle, bien enroulée même autour d'elle. Et je pense pas qu'on ait pu l'acheter, hein, surtout derrière une glissière comme ça. C'est, à mon avis, c'est pas possible. Je pense pas qu'il ait pu être là depuis très longtemps. Lundi 17 août 1987, une martyre sans nom. Voici une reconstitution du visage de la fillette retrouvée en bordure de l'autoroute A10. Toujours pas de piste sérieuse pour les gendarmes malgré l'appel à témoins. Le portrait est affiché dans la gendarmerie de la région du Centre, des Yvelines et de l'Essonne et diffusé dans les commissariats. Philippe Renaud, journaliste à la République du Centre, à Orléans. Alors, effectivement, à l'époque, quand je me rends sur place, je n'imagine pas une seconde qu'on est face à quelque chose d'aussi impressionnant. Les choses vont prendre une ampleur considérable très vite. C'est la torpeur de l'été, donc les médias nationaux, qui peut-être sont un peu en panne d'information, vont aussi récupérer cette information et la diffuser très largement. Et puis il y a quand même l'horreur, enfin le visage de cet enfant. Au sein de la République du Centre, par exemple, il va y avoir un véritable débat sur l'opportunité ou non de publier la photo de cette fillette, puisque les gendarmes très vite vont nous donner une photo de l'enfant, et le débat va s'instaurer, et on va refuser de la publier en l'état, parce qu'on considère qu'on ne peut pas infliger à nos lecteurs une image aussi horrible. Donc c'est une photo retouchée, qui va être finalement diffusée à tout le monde. Voilà. Horrible découverte sur l'autoroute A10 dans le Loir-et-Cher. Le corps d'une petite fille de 4 ans, un corps atrocement mutilé. Des traces de coups, des brûlures de cigarettes et des marques de morsures. Des morsures qui ressemblent à des morsures humaines. 18 août 1987, l'identification de la fillette martyre de l'A10 ne tient qu'à un coup de fil. La diffusion du portrait robot de l'enfant découverte voilà une semaine en bordure de l'autoroute a déjà provoqué des réactions. Sans résultat probant. Tous les appels téléphoniques reçus seront désormais un par un scrupuleusement vérifiés, puis recoupés le cas échéant avec d'autres témoignages. Même si les enquêteurs ne sont pas dupes, cela peut prendre du temps, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. L'un des gendarmes me disait cet après-midi regretter de ne pas avoir à disposition un fichier relevant les empreintes de chaque citoyen. Cela, expliquait-il, nous aurait sans doute facilité la tâche. Reste donc ce soir à espérer pour les enquêteurs un hypothétique appel. On a beau ne rien laisser au hasard, tonne l'un d'eux, que voulez-vous que l'on fasse de plus ? On sent très vite à la fois l'acharnement des gendarmes de venir à bout de cette enquête parce que ce qu'ils ont découvert est absolument horrible. Et en même temps, on devine, on perçoit la difficulté de cette enquête parce que cette voiture qu'un quidam a vu s'arrêter avec une personne déposée un plaid dans le fossé et remonter très vite en voiture. Cette voiture n'est pas identifiée, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, on est incapable de mettre un nom sur cet enfant et on sent bien, évidemment, que l'enquête va être longue. Et c'est pourtant pas faute pour les gendarmes d'avoir mené des investigations tous azimuts, puisqu'ils ont fait des milliers d'investigations qui sont restées malheureusement infructueuses. Oui, alors j'ai des chiffres. 126 000 affiches placardées, 65 000 écoles visitées à la rentrée de 1987, 6 000 médecins scolaires rencontrés. Donc on imagine l'ampleur de cette enquête à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier la victime avant de retrouver les coupables. Oui, absolument. Il y a toujours eu des gens à la section de recherche d'Orléans qui ont travaillé sur ce dossier. Alors évidemment, pas avec la même ampleur qu'au début de l'enquête, vous l'imaginez bien, mais il y a toujours eu au moins un gendarme, même à l'époque où on en parlait beaucoup moins, qui continuait à travailler ce dossier et à vérifier chaque fois qu'une information arrivait. Ils se sont dit, on trouvera. Georges Domergue, vous êtes ancien juge d'instruction. À quel moment, pour vous, commence l'affaire de la petite martyre de la 10 ? Sur le plan procédural, elle commence assez longtemps, finalement, après la découverte du corps, qui date du 11 août 1987, puisque je suis saisi au début du mois de novembre de cette année 1987. Ce qui est un peu surprenant, puisque dès le départ, il était facile de comprendre qu'on était en face d'une affaire criminelle. Passé le temps de l'enquête de flagrance, le procureur avait l'obligation de saisir un juge d'instruction. Ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque l'affaire a été poursuivie sous une forme qu'on appelle la recherche des causes de la mort, qui est utilisée lorsque l'origine criminelle d'un fait n'est pas encore complètement établie. Donc là, on avait toutes les raisons de penser que les faits étaient qualifiables au criminel, au minimum des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais on pouvait y ajouter, ce qui n'a pas été fait d'ailleurs dans le réquisitoire du procureur, l'utilisation d'actes de barbarie. Voilà. Nous étonnions, nous, les deux juges d'instruction, de ne pas être saisis de cette affaire. Novembre donc 87, vous héritez d'un dossier. Dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Un rapport d'autopsie notamment, fait par le docteur Auburn à l'époque ? Absolument, il y a un rapport d'autopsie. On sait que cette pauvre petite fille a été victime de sévices multiples, des morsures humaines en plusieurs points du corps, des fractures qui se sont ressoudées sans contrôle, sans assistance médicale, des traces de brûlures par fer à repasser, un état d'épuisement général de cette pauvre petite dont on évaluait l'âge entre 3 et 5 ans, dans un cadre qu'on présumait dès le départ comme étant familial. Donc, c'est une double horreur, les faits eux-mêmes et le cadre protecteur qui devient un cadre d'agression, de traumatisme cauchemardesque. 9 décembre 1987, la petite martyre de la 10. Marche Noire et sa région passée au peigne fin. D'après les analyses effectuées, la fillette aurait pu séjourner dans ce secteur. Comment est-ce que vous décidez d'orienter l'enquête du service de recherche de la gendarmerie d'Orléans ? On comprend bien que les investigations doivent partir de renseignements qui seront donnés. Car sur elle-même, la petite fille ne porte pas beaucoup d'éléments permettant de commencer une investigation. Il y a un certain nombre de recherches qui vont être faites à partir de ses vêtements, mais il va s'avérer que ce sont des vêtements extrêmement courants. On ne peut pas partir de là. Alors il y a des micro-prélèvements qui sont faits. On prétendait que la petite fille avait séjourné justement, j'allais dire comme par hasard, non loin du lieu de découverte dans la région de Vendôme. Et je peux dire que tout a été fouillé, la moindre cabane, la moindre hutte, enfin, Et donc ça n'a pas du tout été confirmé. Il fallait repartir sur de nouvelles bases et ça passait par l'appel à témoins. Alors il avait déjà été utilisé, mais la diffusion avait été faite par l'intermédiaire d'Interpol, donc il y avait déjà une diffusion internationale, mais dans un cadre professionnel. Il y a eu quelques pistes qui ont été vérifiées jusqu'au bout, mais rien de déterminant. Donc il fallait franchir une étape, accentuer les vérifications dans les pays d'Afrique du Nord. Compte tenu du type physique de l'enfant, on pouvait penser qu'elle était d'origine maghrébine. Il n'y a eu aucun retour venant de ces pays. Et puis une diffusion nationale qui était tout à fait exceptionnelle. Alors après, il y avait une réflexion à avoir sur le profil de l'auteur. Parce que quand on a ce tableau de violence devant les yeux, on en vient à se poser la question de l'équilibre mental de la personne. Et si on part de l'hypothèse que c'est la mère, à l'époque, c'était une hypothèse qui est à l'origine des faits, sur son propre enfant, forcément on va se demander s'il n'y a pas un signalement psychiatrique quelque part. On a une réflexion, d'ailleurs à l'époque, je crois qu'il y avait un journaliste du Monde, Jean-Yves Naud, qui avait fait un article sur la lycanthropie, aussi sur ces profils psychiatriques de personnes qui ont des comportements qui par moments rappellent celui du loup, qui sont liés aux phases de la lune, enfin des choses qui sont à la limite du raisonnable, aussi bien pour les personnes concernées, mais... On se demande ensuite, en tant que juge d'instruction ou enquêteur, si on ne dérive pas, finalement, dans nos recherches. Mais il faut le faire, donc d'où des signalements dans tous les hôpitaux psychiatriques de France, et puis des signalements auprès des services sociaux. 2 juin 1988, le cadavre de Ladis n'a toujours pas de nom. 10 mois après la découverte d'une fillette près de Blois, le mystère reste entier. En réalité, on avait 3 hypothèses. On avait l'hypothèse locale, une famille vivant le plus près possible finalement de l'autoroute, ayant choisi l'autoroute comme un lieu d'abandon finalement le plus anonyme possible. Bon, tout en prenant des risques quand même évidents, puisqu'il y avait quand même, je crois, mes souvenirs sont bons, 19 000 véhicules ce jour-là qui ont circulé sur l'autoroute. Il y a la piste ensuite, disons, régionale, ou nationale plutôt. On était un jour de grand départ, on pouvait imaginer que une famille, notamment une famille d'origine maghrébine, traversait notre région pour se rendre en Espagne. Et puis il y avait une troisième piste, c'était vraiment le passage, le transit total, et que cette famille pouvait venir de n'importe où à la rigueur. Ça pouvait être aussi des sans domicile fixe, des personnes qui étaient totalement à l'écart des services sociaux. On voulait comparer les enfants déclarés à la naissance, donnant lieu à paiement d'allocation familiale et qui n'avaient pas été scolarisés. Mais alors, à l'échelle nationale, c'était un peu compliqué. Malheureusement, il n'y avait pas de fichier national, ni des enfants scolarisés, et on savait qu'il n'y avait pas de fichier national des allocations familiales. On ne pouvait pas donc comparer ces fichiers. 10 août 1988, la petite martyre de Ladis. Aucun indice sérieux un an après. Les enquêteurs poursuivent un travail de fourmi pour identifier la victime et arrêter l'auteur du crime. 12 août 1989, 2 ans après, la martyre de Ladis n'a toujours pas de nom. Georges Lemergue, donc vous avez été juge d'instruction sur cette affaire pendant 2 ans. Vous l'avez un petit peu dit, vous avez continué à suivre l'affaire. Mais quand vous quittez, vous êtes dans quel état? Qu'est-ce qui reste au fond de vous, de la frustration? Il reste un manque, hein, oui, au fond de moi. C'est le dossier qu'on quitte avec regret, même si il y a une des pistes qui a rebondi à l'occasion de l'émission Témoin numéro 1, Jacques Pradel, en 1993, je crois. Je crois que c'est sur cette base notamment que le dossier a été rouvert, mais heureusement d'ailleurs, puisque c'est ce qui a permis d'interrompre une première fois la prescription. Un second non-lieu est rendu en 1997. Plus aucun acte par définition n'est accompli susceptible d'interrompre la prescription, et c'est pourquoi la nouvelle intervention de la gendarmerie pour qu'on reprenne les investigations, cette fois sur la base des ADN parentaux, a été fondamentale. Mardi 25 septembre 2012. Justice et gendarmerie lancent un nouvel appel à témoins 25 ans après le drame, l'enquête sur la fillette de la 10 relancée. Dimanche 17 novembre 2013, la martyre de la 10 garde ses secrets. En dépit d'un dispositif hors du commun, les gendarmes ne sont jamais parvenus à identifier la petite victime. Le général Marc de Tarlet, sur CNews, ancien commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans entre 2004 et 2008. Vous aviez une jeune fille qui n'était pas identifiée et vous ne pouvez pas laisser un cas comme ça. Quelque part, c'est un devoir que nous avons de réussir à travailler, d'identifier, redonner un nom à cette victime et lui rendre justice finalement. Non, mais le crime est commis depuis 31 ans, il pouvait faire l'objet d'une prescription. Alors, elle a été classée, il y a eu des ordonnances de non-lieu. Je soulignerai deux acteurs majeurs dans ce dossier, hein, parce que c'est des longs dossiers. Un, Jacques Pradel, qui a permis par l'ensemble des témoignages recueillis de relancer cette affaire et d'éviter sa prescription. Donc, une deuxième personne, moi, c'est le commandant de la section de recherche de l'époque en 2007, qui six mois avant la prescription a relancé l'affaire en disant nous disposons d'indices puisque nous avons un corps, nous disposons d'indices et à l'époque. Dans les années 87, les gendarmes ont appliqué avec rigueur, méthode, l'ensemble des techniques de détection, de préservation, de prélèvement et d'analyse. Le tout permettant des analyses successives, même sur des éléments qui, à l'époque, n'étaient pas imaginables. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas présupposer que l'ADN permettrait d'identifier un auteur un jour. Vous savez, une enfant qui n'a pas de nom, c'est quelque chose qui, pour un être humain, n'est pas acceptable. Mmh. En ce qui concerne l'ADN, ça avait démarré précisément en 1987, je crois que c'est le tout premier dossier, à l'occasion d'une affaire de viol, on avait utilisé pour la première fois ces techniques d'empreintes génétiques. Mais vous voyez, 1988-1998, la loi qui est votée pour créer le fichier national des empreintes génétiques, il se passe quand même 10 ans. On avait l'empreinte génétique potentielle de la petite fille, mais ça ne nous aurait pas conduit à l'auteur. Il n'y avait pas de fichier. Ce qui veut dire que l'important, c'était à cette époque de conserver les scellés correctement et, en cas d'interpellation, de comparer l'empreinte génétique avec le profil de l'auteur. En 2016, l'un des frères d'Inas se fait interpeller tout bêtement dans une affaire de violence assez banale en région parisienne et on va prélever son ADN. Et il se trouve que si on a tous un ADN différent, il a ce qu'on appelle des allèles, c'est-à-dire des morceaux d'ADN qui sont communs à une même famille. C'est ce qui va donner, par exemple, la couleur des yeux ou des cheveux que l'on se transmet de parents à enfants. Et c'est là que l'on va découvrir que ces allèles sont communes. Et elles sont communes, effectivement, comme vous le disiez, aux deux ADN des parents et des enfants, mais aussi à l'ADN de la petite qu'on a retrouvée sur sa couverture et son pyjama. Et donc, alors ça va prendre du temps parce que là, on n'est pas dans l'urgence, on l'a découvert très bien, on a l'ADN, mais ce n'est qu'en 2017 que les gendarmes de la section de recherche d'Orléans vont avoir connaissance de cette similitude et c'est là que l'enquête va se lancer. Cold case, anciennes énigmes criminelles finalement résolues. La réalité rattrape parfois les séries télévisées. Un mystère de plus de 30 ans va peut-être être résolu, celui de la petite martyre de l'autoroute A10. Les enquêteurs ont retrouvé les parents qui sont au tribunal pour être présentés à un juge. Oui, ils ont aujourd'hui plus de 60 ans. La mère a été interpellée mardi dans l'Aisne, le père dans les Hauts-de-Seine. Ils sont bien les parents de la petite Inas, 4 ans. L'ADN l'a confirmé. On connaît donc aujourd'hui le prénom et l'âge de cette petite fille retrouvée voici 31 ans au bord de l'autoroute et que personne n'avait jamais réclamée. 14 juin 2018, Frédéric Chevalier, procureur de la République, fait une conférence de presse dans le tribunal de Blois. Vous, Philippe Renaud, vous étiez fait diversier à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes chroniqueur judiciaire. Vous êtes dans la salle d'audience. Alors, c'est une conférence de presse, vous l'imaginez, qui est très attendue, puisque dès le matin, l'information a filtré que les parents de la petite Inas, dont on ignore encore le prénom au moment où cette conférence de presse va démarrer, ont été interpellés quelques jours plus tôt, et que l'on a donc fini par identifier les parents de cet enfant qu'on a surnommé la martyre de la 10. Évidemment, cette conférence de presse, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour tous les journalistes qui ont suivi ce dossier depuis les faits, depuis la découverte de cet enfant, parce qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé, et pourquoi cet enfant a été abandonné dans un tel état. Le procureur de la République de l'époque avait dit que cet enfant était une plaie de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui se joue donc à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Alors, de l'émotion, oui, forcément, parce que c'est une affaire absolument hors norme. Il est très rare qu'une enquête dure plus de 30 ans. Et puis, enfin, la certitude que l'on va enfin savoir qui est cet enfant, qui sont ses parents et pourquoi. Que s'est-il passé dans la tête de ces gens pour qu'à un moment donné, on abandonne cette fillette dans un tel état? Et que surtout, il n'y ait pas de remords derrière, il n'y ait rien, une espèce de chape de plomb absolue. C'est très impressionnant, effectivement. Et ça, c'est l'article qui a été fait au lendemain de la conférence de presse. Article de la République du Centre, daté du 15 juin 2018. Le titre barre toute la page. La petite martyre de la 10 identifiée, l'énigme résolue 30 ans après. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans ont multiplié les investigations pour retrouver les bourreaux de la petite victime qui se prénommait Inas. Elle s'appelait Inas Touloub. Elle était née au Maroc le 3 juillet 83, confiée à sa grand-mère maternelle avant de rejoindre ses parents en région parisienne à l'âge de 18 mois. Ses parents, eh bien, ils ont aujourd'hui 66 et 64 ans. C'est la fin d'un mystère, même si les versions des parents divergent. Écoutez le procureur de Blois, Frédéric Chevalier. Il relate les propos du père en garde à vue. Il a expliqué que, dit-il, il a vécu un enfer avec son épouse, que celle-ci était violente à son égard comme à l'égard des trois filles, et que lorsque le 10 août il est rentré chez lui, il a constaté le corps sans vie de sa petite fille. Il dit qu'il a été suffisamment lâche pour ne pas faire autre chose que de partir vers le Maroc. Et puis au petit matin, Inas, qui était emmaillotée, elle a été abandonnée le long de la 10. Il nous dit aujourd'hui que pour lui, c'est un soulagement. Un soulagement, voilà, pour le père, que cette résolution. Devant le juge d'instruction, la mère a quant à elle évoqué des violences de la part de son époux. Si elle reconnaît avoir été elle-même violente envers Inas, elle dit ne pas être impliquée dans sa mort. Il faut savoir que le corps de la petite fille portait de nombreuses traces de coups et de brûlures. Le père a été incarcéré. La mère est en ce moment devant le juge des libertés et de la détention. C'était à la fois un choc et en même temps la confirmation que cet ADN parental finirait par donner un résultat. Je commençais à être un peu inquiet parce que je me demandais si le ou les auteurs n'allaient pas décéder avant qu'on puisse identifier cette petite fille. Donc c'était un soulagement. C'était extrêmement physique pour moi. J'ai dû me garer tout de suite et tellement ce dossier était, sans que je m'en rende compte, peut-être toujours présent dans ma mémoire et mes souvenirs personnels, finalement, plus que professionnels. J'ai pris conscience que j'appartenais certainement à la famille de ceux qui vivaient avec ce dossier. Et je savais qu'au même moment, il y avait d'autres personnes que je connaissais bien qui avaient tout donné, je pense en particulier à des militaires de la gendarmerie. J'avais l'impression qu'on se parlait à travers ce qu'on venait d'entendre. Enfin, c'est une affaire hors norme, encore une fois. C'est impressionnant. Je crois que c'est la seule affaire que j'ai suivie de bout en bout sur une durée aussi longue. Donc évidemment, ce procès, je l'attends d'abord pour essayer de comprendre les ressorts qui ont fonctionné dans cette famille. Pourquoi en est-on arrivé à ce que cet enfant soit le souffre-douleur de la famille? Parce que manifestement, on ne connaît pas encore toute l'instruction, évidemment, mais il semble quand même que c'était cet enfant en particulier qui était la cible des violences de la mère. Pourquoi? Comment est-ce que on a pu garder ce silence aussi longtemps? Ce sont ces choses-là, moi, qui m'intéressent et que j'ai envie d'entendre ce procès. Parce que Inas Touloub, cette petite martyre de la 10, c'est la troisième d'une fratrie de sept enfants. Donc son petit frère qui avait 6 mois au moment de sa mort se rappelle pas des faits, mais il y avait deux enfants qui avaient 7 et 9 ans dans la voiture, qui eux se sont bien aperçus que tout d'un coup il manquait un enfant dans la maison. Alors c'est un vrai questionnement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui les enfants se sont constitués partie civile dans ce dossier. C'est une vraie interrogation, parce que oui, comme vous le dites, ils se sont aperçus que cet enfant n'était plus là, mais ils ont dû aussi s'apercevoir qu'elle était régulièrement frappée. Donc il y a tout ça qui est très très compliqué et très lourd. Il y a ce silence, et comment est-ce qu'on peut continuer à avancer dans la vie quand on est témoin enfant de ces violences et de ce drame? Comment fait-on pour se construire? Et ce sera effectivement une interrogation à laquelle on attend beaucoup de réponses. On est un an après, le père a été libéré, donc il y a des choses qu'on ne peut pas commenter. Un des gendarmes qui devait nous répondre a décliné au dernier moment l'entretien, disant qu'il pouvait donner des éléments qui pourraient servir dans un futur procès à la défense. Comment est-ce que vous regardez au fond ce dossier au jour d'aujourd'hui, un an après, on va dire, la révélation des auteurs et de l'identité de Inas Touloub? Moi, je fais confiance au juge d'instruction et, le cas échéant, à la juridiction pour donner la suite maintenant qu'appelle ce dossier. On sait que les peines encourues sont extrêmement lourdes, puisque c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut essayer de retrouver un processus qui conduit à un acte incompréhensible. Donc c'est un défi. Le fait que cette petite fille ait un nom, un prénom, ça, le fait de lui donner un nom l'a fait entrer dans un cadre légal précis. Mais ce qui l'a fait revenir dans la communauté des hommes, c'est la découverte de son corps, en fait. Parce que elle a été adoptée par tous ceux qui l'ont approché, tous ceux qui ont traité le dossier. Tout un village, vous le savez, à Suèvre. Donc, elle a été accueillie malheureusement trop tard, alors qu'elle était déjà morte, mais sa dignité, dans la mesure du possible, elle lui a été donnée à ce moment-là, car ce qui s'est passé avant était de l'ordre de l'indignité, bien sûr. Finalement, avant qu'elle ait un nom, elle était un personnage qui avait par elle-même une sorte de valeur symbolique de l'enfance, de la fragilité. Elle est devenue presque comme les autres enfants, avec ce nom, avec cette histoire familiale tragique, sous réserve que tout ce que on suppose aujourd'hui se confirme le moment venu devant la cour d'assises. C'est en tout cas le signe qu'il ne faut jamais abandonner, et ça pose quand même derrière d'autres questions autour, par exemple, de la prescription. Car finalement, il s'en est fallu d'assez peu que ce dossier ne puisse jamais être poursuivi, ne jamais avoir de solution judiciaire. Ça aurait été quand même une injure pour la petite Inas. Inas Touloub, la petite martyre de l'autoroute A10, avec Philippe Renaud, journaliste à la République du Centre, et Georges Domergue, ancien juge d'instruction en charge du dossier. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation Yvon Croisier, un documentaire de Michel Pomarède. La suite de l'histoire de l'inconnu de l'autoroute A10, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, à 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.